enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Boing, boom, tchac, boing, boom, tchac, boing, boom, tchac. Boing, ping, boom, tchac, ping, boing, ping, boom, tchac, ping, boing, ping, boom, tchac, ping. Boing, ping, boom, tchac, ping, boing, ping, boom, tchac, ping, boing, ping, boom, tchac, ping. Boing, ping, boom, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, boing, ping, boom, tchac, tchac, tchac, tchac, boing, ping, boom, tchac, tchac, tchac, tchac. Non-stop, techno-pop. Music non-stop, techno-pop. Boing, ping, boom, chat, boing, boing, ping, boom, chat, boing, boing, boing, ping, boom, chat, ping, ping, ping, ping, boing, ping, boom, chat, boing, boing, boing, ping, boom, chat, boing, boing, boing. Chat boing boing ping boom chat boing boing boom boom boom boom boom boom boom boom boing ping boom chat boing ping boom chat boing boing boing ping boom chat boom boing ping boom chat boing boing boing chat ping chat boom chat ping boing ping boom chat boing boing ping boom chat boing. Boing, ping, boom, chat, chat, chat, chat, boing, ping, boom, chat, chat, chat, chat, boing, ping, boom, chat, chat, chat, ping, chat, boing, ping, boom, chat, chat, chat, ping, boing, ping, boom, chat, chat, chat, ping, chat, boing, ping, boom, chat, ping, ping, ping, boing, ping, boom, chat, chat, chat, boing, ping, boom, chat, chat, boing, boing, ping, boom, chat, boing, boing, boing, ping, boom, chat, boing, boing, ping, boom, chat, boing, boing, ping, boom, chat, boing, boing, boing, ping, boom, chat, boom. We'll be right back. Yeah. Des chops de l'or sont prêtes, ma petite Gaétane d'amour. Mais j'ai mis ça dans la friture extraterrestre. Oui, on vient pas là-dessus. Ouais, je sais, les gens me disent arrête d'en parler. Voyons, ils vont s'en venir pour vrai. Ben, j'espère. J'espère qu'ils vont s'en venir pour vrai. On est là pour ça. Hey, on fait des feux de jouets. Pourquoi vous... Ah non, ça c'est important de savoir ça. Pourquoi on fait des. Bonjour, comment ça va, toi? Bon, ta journée? OK. Oui. Tes enfants? Bon, tes études? J'ai pas de succès dans mes affaires. J'ai pas de succès dans mes amours. Je vole souvent en dernière. Je n'ai pas pris en écho, je vois ma vie à l'envers, où je cultive mon univers. Hey, mon professeur m'a donné, je ne sais pas, de poésie ou de littérature, ou bon, nous avait fait apprendre La cigale et la fourmi d'après Jean de la Pompaine. Et moi, je l'avais lu une fois. On devait l'apprendre par cœur, en passant. Puis moi, je l'avais lu une fois. Et rendu à mon tour, je l'avais récité. En utilisant quelques phrases de La Fontaine, mais le reste était de mon cru. Le professeur m'a quand même mis un A puisque je l'avais impressionné du fait que j'avais inventé par des mots d'enfant l'histoire que j'avais lue. Elle dit, hey, t'as de l'imagination. Il fallait l'apprendre par cœur, là. Mais je vais te donner une très bonne note puisque tu as très, très bien, tu t'es très bien sorti du pétrin. Je dis, pétrin, mon Dieu, le pétrin va arriver. On prend toujours le pétrin pour quelque part. Qu'est-ce que ça fait un pétrin? Ça fait ou ça fait chou-chou, ça fait chou-chou. Non, ça dit bravo, bravo. Ah ouais, le pétrin fait bravo, bravo. C'est pas comme. Non, mais aujourd'hui, quand on me dit, tu t'es mis dans le pétrin, je m'attends pas à entendre bravo, bravo. Là, je m'attends à recevoir des tomates ou à recevoir mon bleu. Sur un œil. À quel endroit je voudrais avoir mon bleu? En dessous de l'arcade, ça, en dessous. En dessous. Ouais. Comment t'appelles ça, donc, quelqu'un qui est, ouais, sous l'hégémonie de mon ignorance? S'il vous plaît. Ouais. Un petit, pas un gros. Non. Assez saignant, pas trop cuit. Bon. Avec de la patate frite. Comme je disais la semaine dernière. Petite patate. Oui, je sais qu'est-ce qui prend. C'est une grosse. Mais moi, c'est. Oui. Ah, oh, là-dessus, je m'intimide. Ah, je m'intimide moi-même et je suis très timide. Ah, mon Dieu. Moi, je me surprends. Je me surprends à me recroqueviller sur moi-même. Je prends des photos, des fois. Tu sais, je sors de mon corps, là, puis je prends des photos. Ouais, ça, c'est un appareil qui n'est pas encore inventé, moi, que j'ai mis sur point, dans mon embonpoint. À l'époque où j'étais gros, je pesais quelque chose. Aujourd'hui, je suis à l'hélium, pouf, je m'envole de rien, je suis comme un fantôme, pouf. On me dit, Rénal, pouf, ça fait une boucane. Là, j'arrive à un autre endroit. Parce que, tu sais, on appelle ça, attention, prenez des notes si vous n'êtes pas commun avec tout ça, là. C'est une invention de ma part. Je m'implose et je m'explose. Bon. Imploser, c'est-à-dire que lorsque je me referme pour disparaître, et explose lorsque je réapparais. Donc, je peux exploser dans la tête de quelqu'un. Par exemple, des gens qui me connaissent très bien et qui voient un reportage sur Serge Gainsbourg, j'explose dans leur tête. Hey, c'est Rénal. Rénal aimerait ça, écouter ça. Ah! Rénal doit l'avoir vu. Rénal doit connaître ça par cœur. Il nous le citerait en même temps que l'émission. Hein? Bon, même si c'est du direct, bon, il nous le répète. Il connaît tout sur Gainsbourg. Il connaît tout, tout, tout, tout, tout. Boris Vian, il connaît ça. Serge Régine, il connaît ça. Jacques Brel, oh, Léo Ferré, voyons donc, c'est Rénal. Pouf, j'explose. Imploser, c'est quand... Je l'ai dit tantôt. Je suis dans une soirée. J'arrive, accompagné. Sans rien dire. Oups! Je m'éclipse. Je dis, oh, OK, je vais aller aux toilettes. 2 heures plus tard, où est-ce qu'il est, Rénal? Il est encore aux toilettes. Mais là, je suis allé voir aux toilettes, il n'est pas là. Oh non, il a implosé. Oh, ce petit sacripant. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va l'endurer, hein? La spécificité de l'être, c'est ce qui est important dans notre société. La spécificité, même si on n'aime pas ça. On veut que tout le monde soit pareil. C'est plus rassurant. Tout le monde pareil. Hey, il y a même des publicités dans les années 70. Hey, on est... C'est quoi dans le... Quand on est Québécois, on est fier de notre choix. Et parce qu'on a du goût. Je dirais pas la marque, mais c'est ce qu'on a chez nous. Salut, oui, monsieur, hein? Puis moi, j'avais fait une publicité sur CKRL. Quand on est Québécois... On est fier de son choix. Et parce qu'on a du coup, c'est KRL, c'est ce qu'on écoute chez nous. C'est KRL, c'est ce qu'on écoute chez nous. Salut! On a eu un succès, bœuf. Oh! Les télévisions sont venues. La radio est venue. Les radios, pas juste la radio. Les radios commerciales, peu commerciales. Comment dire? Dans tout leur état. Même la radio dans tous ses états. Hey, on est cadenassé, c'est nous, Radio Cadenas, là. Mais on aimerait quand même se débarrer un peu, puis réentendre la belle chanson que vous avez composée, M. Grenier. Hey, vous avez quand même un tantinet de talent. Un tantinet, pas beaucoup. Ça veut dire 2 gouttes. 2 gouttes dans un océan d'incohérence et d'insignifiance. Surtout d'insignifiance. D'incohérence, ça va avec, là. Mais hey, c'était bien. On peut pas. Madame Malachaussée va venir vous voir, puis elle va vous commanditer, puis bravo pour votre continuer vos études. Vous allez aller un peu plus haut, un peu plus loin. Et puis là, le 22, j'ai perdu le. Ah oh oui, que le 15 mai. Je m'appelle Concision et je demeure aussi brève que la vie. Je passe entre vous rapidement, tout en vous lapidant de courtes et blessantes épreuves, que de gouttes avant le ruisseau, que de brises avant l'ouragan, que de virgules avant le point. La fin de l'hégémonie anglo-saxonne résonne à travers la musique. Laissons-la nous suggérer ce rythme aussi existentiel que le cœur qui bat. Le cœur qui bat, pour qui, pourquoi, et maintenant, maintenant. Non, ça, on l'a déjà, on va la refaire, OK? Ça va le faire du bien, OK? Oui, merci. Et maintenant, que vais-je faire? Allô? Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie et tous ces gens qui m'indiffèrent? Et maintenant que tu es parti et tous ces gens, oh, on est là. Pourquoi Slinky? Et qui s'étire soudain. Et tout... Madame? Elle frissonne. Mettez-lui un châle pour qu'elle arrête de chialer. Bon. Alors, le pouvoir de séduction se trouve dans l'illusion la plus spectaculaire qu'elle répand comme de la poudre de perlimpinpin. La poudre de pourlin-pépin? Ben oui, la poudre de pourlin-pépin. Pour le pépin. Pour les vilains? Ah ben oui, pourquoi pas? Vive les vilains, hein? Madame? Non? Oui, peut-être. Tu es viré, mec, tu es viré. Nuisette. Non, nuit. Nuit. Minuit. Non, il est minuit 20. Minuit 17, c'est le... Non. Nuit nouvelle ro-nausée. Rien et rien. Non, on commence. Nuit nouvelle nausée. Près des flashs. Où les gyrophares frappent, claquent et blessent l'ivresse. Non. Raymond, sois sage. Calme-toi. Focus. Hey, ça, c'est, je devrais me dire ça souvent. Focus. Non, je peux pas. Non, le reste reste à l'intérieur. Le reste reste. C'est quand même bien que le reste ne se disperse pas aux quatre coins cardinaux. Moi, je connais mes cardinaux. Il y a le cardinal léger, le cardinal lourd, le cardinal liquide et le cardinal enflammé. Mes quatre coins cardinaux. Et le au milieu, c'est Dieu! Eh, monsieur, t'es... Oui, je crois à ce que je viens de dire. Qu'il y a quatre coins cardinaux et un milieu. Et le milieu, ben c'est mieux. Parce que je peux pas aller plus loin. M'avoir des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis un jeune pas si fou. Ou pas si jeune aussi. Des troubadours. Nuit, nouvelle nausée près des flashs. Où les gyrophares frappent. Claque et blesse l'iris. Peu de voitures, mais le mystère devant le défilé de la rareté ajoute à l'angoisse. Le sexe alcoolisé zone et la musique crie. Et, non, le sexe alcoolisé zone et la musique, les cris apparaissent. Sans doute que j'ai voulu écrire parce qu'il me manque un morceau de feuille. Sans doute. Le sexe alcoolisé zone et la musique sous les cris. Apparaissent. On oublie ça. Madame, pouvez-vous biffer? Alors, en parlant de biffer, aujourd'hui, je m'en vais voir quelqu'un qui a quand même une formation universitaire, une infirmière bachelière. Et, elle vient me voir, puis elle me dit, je vous raconte pas tout, mais en tout cas, elle me dit, la personne qui est là mange pas, puis elle jette ses aliments. Pouvez-vous me dire ce qu'elle aime, puis ce qu'elle aime pas? Je dis oui. Elle dit, je vais vous apporter un menu, OK? Je vais vous apporter un menu, puis vous prendrez en note ses préférences. Ben, je dis oui, aucun problème, mais je vais vous biffer ce qu'elle mange pas. Cette personne-là. Là, elle me regarde. Biffé. Là, elle dit, voyons donc, biffé. Je veux pas un biffé, c'est un biffé. Biffé, raturé. Souligné. Placé d'un trait sur le mot. Placé d'un trait. Ce qu'elle n'aime pas. Biffé. Elle ne savait pas ce que voulait dire le mot biffé. C'est une bachelière. Formation universitaire. Là. 3 ans. Elle n'a pas biffé beaucoup dans sa vie. Là. Elle n'a pas fait de trait sur ses compagnons, là. Moi, j'ai eu un seul compagnon dans ma vie. C'est mon papa. Mon papa, je l'aime, je ne le trahirai jamais. Mon papa. Hein? Les autres garçons, non. Ma préférence, c'est mon papa. Ouais, mais là, t'es rendu à 28 ans. Papa! Mais oui, mais ton père. Ah, mon papa. Oui, mais il n'est plus là, ton père. Oui, il est mort, mais c'est pas grave. Ça reste mon papa. Oui, mais tu vas faire ta vie? Oui. Avec un homme? Non, j'ai la foi sur mon papa. Ben oui, mais là, lâche ton papa. Déracine-toi. Jacques Brel disait... Qu'est-ce qu'il disait? Ah oui. il faut se déraciner, je vais paraphraser, il faut se déraciner de son enfance. Il faut se déraciner de son enfance. Déracine-toi! J'ai dit ça, Jacques Babel. J'ai pas dit Jacques Babel, j'ai dit Jacques Brel. Brel, ben voyons donc! Nomme-moi trois chansons de Jacques Brel. Jacques Brel, c'est Avec le temps. Ensuite de ça, Les femmes de Pigalle, puis Jacques Brel. Puis, Bozo. Tout faux. Bozo, c'est Félix Leclerc. Dame de Pigalle, c'est Serge Lama. Puis l'autre, c'est Léo Ferré. Tout faux. Je voudrais réaliser une trêve entre moi et moi. Me cacher ma vérité, ne plus répondre à mes personnages ni à mes questions. L'abolition de tout garde-fou, l'abolition de toute exhibition. Je parle à Malamant. Oui, je parle à Malamant. Savez-vous parler le Parlement? Ça, c'est une langue de quel pays? La palamenterie. La palamenterie, c'est où ça? C'est à la Palamante. À Palamante, dans quel... si je prends la boule, là... Prends ta boule. Non, mais oui, mais la sphère terrestre, oui. Et je te demande de me placer. Oui, je vais te placer. Non, pas moi. Ton doigt sur la place que tu viens de dire. Ah, oh, OK. Tu veux que... Avec... Parce que j'ai un doigt magique en passant. Là. Si vous avez des mots, pas M-O-T-S, M-A-U-X, j'ai le doigt magique. Dans le sens de, que j'appose et que ça guérit. Donc, je vais... En Afrique, là, si je mets le doigt en Éthiopie, je vais guérir l'Éthiopie. Là, j'ai pas de boule terrestre. Là, j'ai pas de sphère à part un capuchon de micro qui est semi-sphérique. Semi-sphérique, ça veut dire quoi? C'est un demi-cercle. Bravo! Bravo, demi-sphérique, demi-cercle. C'est en plein ça. Tu vas aller loin dans la vie. Mais là, moi, j'ai déjà fait 2 kilomètres. Aujourd'hui, je pense pas en faire un. De me rendre de cette chaise au lit. Et du lit à cette chaise. Et de cette chaise au lit. Du lit où ça... C'est moi, je vis des moments magiques, moi. Depuis 6 ans, là, lit, chaise, lit. Je sais plus lire ma chaise, puis ma chaise me lit plus. Ah, mon doux! J'ai comme le décodeur débranché de ma réalité. Ah, ça va bien. C'est bien de se débrancher à un moment donné, là. Lâche la routine, timine, amène la bagane bargagne. Hein? Pardon? C'est ça. Les repères, au pire, les traces s'encrassent. Comme les souvenirs qui se déforment par le passé. Ne plus marcher, ne plus refouler, poursuivre, toujours poursuivre, sans se retourner. Hey, il se passe des affaires à soir. Alors, j'appelle Monsieur le Président. J'appelle les messieurs pas trop catholiques. Et surtout, les dames voluptées. Et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant. Il me semble que je suis beau, non? Attendez, je peux pas aller plus beau, la chaise est pas. Okay. Rénald Le Néant gagné. Non, je me regarde sa caméra, puis mon dieu, on voit juste la lunette. Il me semble que t'as perdu tes lunettes. Et puis, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut manipuler. Manipuler. Je me suis toujours dit, ne pas boire de boisson gazeuse avant l'émission. Très mauvais choix de ma part, mais j'en avais ras-le-bol de l'eau. L'eau. L'eau sur ce devis. Surtout la mienne est bénite. Hein? Je la bénis moi-même en faisant... Attention, Facebook. Ça, c'est une manière vaudou d'ensorceler l'eau. Invitez-moi à vos soirées et je vous ensorcerai le punch. Je suis très fort aussi sur le punch. Ah, mon doux, au jus de fruits et canneberge royale. Et quand je vous dis royal, c'est royal. Tout le reste, vous l'avez compris, mais royal, ça, on ne sait pas. Hein, c'est quoi royal? C'est quelque chose d'inconcevable. Bon, c'est un compte au court. Incontestablement, c'est très, très, très, très étourdissant. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance s'ouvre à l'instant. En fait, ça s'est ouvert, cela, là, comme ma fermeture. À l'éclair des mots, à l'éclair de la folie, à l'éclair de l'absurde, à l'éclair, c'est tout. À l'éclair, c'est tout? Ah, je la connais, à l'éclair, c'est tout, elle. Elle copiait toutes les phrases que j'écrivais. Puis elle dit, moi, regarde, à l'éclair, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ben oui, c'est tout. C'est bien ça que c'est tout. Tu copies. Ça vient même pas de ta tête. Ben non, pas de ta tête. Ça vient de mes doigts. Ah, c'est vrai. De ma main, c'est vrai. De mon regard. Ah oui. Ça passe, moi, là, du regard et ça court-circuite sur mon bras et ma main qui rédige tes mots. Oh! Et c'est de là qui est devenu le terme de quoi c'est... je suis le poète et tu es ma quoi? Ma bacon? Ma bichon? Ma billon? Ma Bob Billon? Ma Nika Frickland? Nina Fernandez? Non. Aujourd'hui, le vendredi 15 mai 2015. Quoi donc? Là, je m'écoute là à l'heure où je parle. Tu parles à quelle heure? Ben, je parle à minuit 28, moi là. Presque 29. Comment tu appelles ça un poète puis une dulcinée? Bon, en tout cas, mais... Aujourd'hui, le vendredi 15 mai 2015, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste Christophe Gibet. Christophe Gibet est un acteur et humoriste français. Après des débuts en tant que figurant, il se fait connaître du grand public grâce au succès de son spectacle « Pourquoi pas ce soir ?». Il continue par la suite d'alterner le travail entre la scène, le cinéma et la télévision. En juillet 2014, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet homme des plus intéressants. Et surtout, un homme qui avait vraiment envie régulièrement d'aller évacuer un trop-plein d'urine. Suivez le truc, vous allez tout comprendre. À partir de quelques secondes, vous allez entendre de la musique. Maintenant! Nothing to say, my leaves are sealed. Say something once, why say? transit, go through the roadblock. We blended in with the crowd. We got computer, we tapping phone lines. I know that any cloud. We test like students, we test like housewives, or in a suit and a tie. I chase my hairstyle so many times now. Nobody home. Click, click. See. that mess. Faire une tournée au Québec? Est-ce qu'on va te voir la Binette? Est-ce qu'il se passe quelque chose de ce côté-là ou si tu travailles plus en France, à Paris? Ah, moi, je rêve de retourner au Québec. Okay. Je rêve. Okay. Ouais, moi, avec une tournée? Avec, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas de tourneur en ce moment, j'ai pas de structure. Mais tu as des spectacles déjà préparés? Ah oui, j'ai déjà des spectacles préparés. Ah, ouais. Ah ouais, ouais. Mais d'ailleurs, parce que je suis pas connu au Québec. Hein. Enfin, ben, en fait, à Montréal, tu as fait quand même dans les années 80, fin des années 80. Non, 2000, moi c'était en... Avec Juste pour rire. Ah ouais, je suis venu en... C'était 2002, je crois. 2002 ou 2003? Ben, il n'y a pas si longtemps. C'était 2002-2003, ouais. Et j'ai aucun contact. OK. Mais même si pour faire des clubs, etc. et tout, moi, je suis preneur. Et puis, je te dis, j'avais un contrat, et là, il est terminé. J'avais un contrat avec Roson. Ouais, c'est pour lui. Ouais. Très vampirique. Hein. Oh, putain, ouais. On n'avait pas le droit d'aller... Tu vois, j'avais pas le droit d'aller jouer à Québec. Il y a 4-5 ans, je voulais aller jouer à Québec. Il y avait un copain qui allait, il m'avait proposé et tout. Ouais, les Grands Rires Bleus, à l'époque. Ça s'appelait les Rires Bleus, à Québec. Parce que, ouais. En fait, c'est... Ils ont eu du mal à cause de Roson. Oui. Roson oui. a tout fait pour les piétiner. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a Juste pour rire et les Grands Rires. Ah, ouais. Rien à voir avec, avec Juste pour rire. Donc, il y a deux grosses maisons d'humour au Québec actuellement. Et c'est vrai que Roson est très vampiré, comme je le disais. Mais écoute, on souhaite un futur voyage au Québec. Ah, ben, on va les t'applaudir. Dis-moi les contacts, dis-moi qu'il faut que j'appelle, je leur envoie mon dossier de presse, je leur envoie le truc et tout. Mais avec Internet, c'est très facile, hein? Avec Internet, les festivals, tu peux suivre ça de près. Comme là, le festival Les Grands Rires se sont terminés il y a déjà 2 mois, là. Un mois et demi. Mais il y a des petites troupes qui s'annoncent, puis peut-être dans l'improvisation, je sais pas. Si tu te mêles à l'improvisation française, tu pourrais venir revendiquer ton flambeau patriotique. Je viendrais plutôt avec un solo, je viendrais plutôt avec un one. OK, parce qu'on aurait pu tirer des claques. C'est ça le plaisir de l'impro, hein, c'est de donner notre... Surtout notre un maudit français, alors là... Ah, mais non, ben, pas vraiment le maudit français. Mais ça, c'est de moins en moins vrai. Hein. Avec Internet, le maudit français, les Québécois visitent un peu plus, hein, sortent de leur noirceur, de leur grande noirceur. Et comment ça se passe pour la défense de la langue francophone en ce moment au Québec, quand tu parlais des tiraillements avec politique, etc.? C'est pour ça qu'on cherche à faire un pays du Québec. Ouais, voilà. Parce que là, depuis 76. Au dernier vote, ça a encore été annulé. Oui, ça. Oui, c'est fou. Oui, mais avec le PQ qui était au pouvoir récemment, il s'annonçait avec la réélection du PQ à l'indépendance du Québec. Et c'est con, hein? On demande à des gens, voulez-vous vous administrer vous-même? Et la majorité des Québécois, parce qu'ils sont de droite, disent on veut rien savoir. De plus en plus, les jeunes ne veulent rien savoir. Parce que le fédéralisme leur promet leur disent des faussetés. Si vous mettez le Québec au pouvoir, ben, on va vous enlever des chèques, on va vous enlever des avoirs. Vous n'aurez plus droit à certaines prestations. Et vous allez pendant des années en ramener. Mais ça, écoute, si on ne le sait pas, on ne le saura jamais. On se réfère beaucoup à la Suisse, même s'il y a beaucoup en Suisse, il y a des banques qui blanchissent, hein, mais on dit que la Suisse n'a jamais voulu s'incorporer à l'Europe. Jamais voulu s'incorporer. Si tu vas aller en Suisse, il te faut des francs suisses. Donc, il y a des pays, tu sais, la Belgique en est un, où ils veulent... Tu voulais dire que le Québec ferait un dollar québécois? Oui. Oui, québécois, entièrement québécois. Si tu veux venir au Québec, c'est des devises québécoises. Mais René Lévesque, à la fin, a été quand même assez élastique. On pourrait accepter l'argent canadien. Mais s'administrer, parce que moi, quand je travaille, on va s'arrêter là-dessus après, quand je bosse, là, OK, je travaille de nuit, moi, dans un établissement, OK, donc, et c'est vrai, OK, et donc... Lorsque... T'as vu son coin, un bar, un pub, un... je suis caissier. Ouais. On appelle ça chez nous un dépanneur. Pourquoi? Un dépanneur, c'est une épicerie ouverte 24 heures. Ah oui. Alors, si tu veux acheter des cigarettes, tu viens chez moi. Une boisson gazeuse, tu viens chez moi. Du pain, tu viens chez moi. Des croissants, tu viens chez moi. On est ouvert 24 heures. OK? Et les gens viennent se confier la nuit. Hein. Souvent, on me raconte... Au lieu d'appeler les médecins ou le 911, on vient voir le commis de dépanneur parce que c'est le seul qui est réceptif à cette heure-là, à 2 heures du matin, quand ça va pas très bien. J'ai eu beaucoup de suicides. Il y a des gens qui sont suicidés. Ah, ouais. En tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire. Et qu'à la fin de ma semaine, je regarde mon talon de paye, okay, mon relevé, ouais. Okay, mon relevé de paye. Je trouve ça aberrant parce que j'ai la moitié qui s'en va au gouvernement fédéral, donc au Canada, et la moitié qui s'en va au gouvernement du Québec. Donc, j'ai deux impôts, je suis déchiré par deux impôts. Imagine avoir uniquement un impôt québécois. Donc, tout mon argent irait à la force du Québec. C'est juste ça. C'est merveilleux, mais je comprends pas pourquoi, encore aujourd'hui, en 2014, les jeunes, les baby boomers sont encore pour l'adhésion du Québec, là, pour avoir un pays. Okay, ouais. On est pour le pays. Mais les plus jeunes, on les endort. Hein? Ah, le Canada est fort, le Canada, les Rocheuses, c'est merveilleux, hein? Vancouver, c'est... Mais en même temps, c'est juste des endroits, des de la géographie. On a notre culture propre, on a notre langue propre. Et pour la défense de la langue, justement? Mais c'est ça. Écoute... Elle se fait, elle existe. Brigitte Fontaine disait de nous que les femmes québécoises étaient des connasses, puisqu'elles essayaient de franciser tout. Elle, des écrivaines, elle veut rien savoir. Et j'ai rien contre. Brigitte Fontaine, je l'adore. Elle a son point de vue, que je respecte. Elle dit, je suis écrivain, je ne suis pas écrivaine. Elle trouvait ça incroyable qu'au Québec, on se penche sur la, la féminisation de certains mots. Tu sais, on parlait d'Islande tout à l'heure. L'Islande refuse a une telle protection de sa langue, c'est que c'est la seule langue au monde, les écrits moyenâgeux, un enfant de 10 ans peut les lire. La langue n'a pas bougé. C'est-à-dire que tu vas dans un musée, un enfant va dans un musée, il lit un manuscrit du 3e siècle. Aujourd'hui, un Français ou un Québécois, il va dans un musée, il ne peut pas lire la langue d'origine. Non. Il y a du latin, il y a du ceci, il y a des lettres que tu ne comprends pas, il y a des F, des R ou des T, là où aujourd'hui on ne les a plus. Mais eux, ils peuvent. Et ils refusent l'anglicisme. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils refusent le mot computer. Ils ne veulent pas le mot computer. Tu sais ce qu'ils ont trouvé comme mot islandais ? Non. La sorcière qui sait compter. Ah, c'est bien. J'adore ça, mais sais-tu que quand tu... Parce que tu t'es pointé au Québec dans les années 2000, c'est la seule place dans toute la francophonie où tu vas voir un endroit où c'est écrit « arrêt » et non pas « stop ». Ah, ouais. Il n'y a pas de « stop » et on a enlevé le mot pour le franciser et placer « arrêt ». Alors, à chaque coin de rue, lorsqu'il y a un arrêt, c'est pas écrit « stop », c'est écrit « arrêt ». Pas mal. Ah, c'est quand même fort, hein? Ouais, c'est puis, fort. Oui, c'est fort, mais... C'est plus joli. C'est, oui, oui, puis ça nous détermine. Ça dit aux gens qui sont là, les touristes ou les anglos, écoutez, vous êtes dans un endroit francophone. Quand tu vas à Montréal, le français est très galvaudé, et la loi 101, le Bill 22, en tout cas, ça, c'est... Écoute, ça, c'est là, on rentre dans la bureaucratie, disait, et dit encore... La primauté doit être francophone. Alors, si toi, tu veux vendre un produit, OK, tu dois l'indiquer en plus gros. Le mot en plus gros, c'est en français. Et en anglais, ou en vietnamien, ou en cambodgien, ou en inuit. Après ça, tu l'indiques dans ta langue qui t'anime le plus. Mais la primauté, l'écriture doit être deux fois ou trois fois, au moins deux fois plus grosse que celle que tu veux indiquer dans ta propre langue. T'sais, alors, si tu veux vendre, je sais pas, un terme, je sais pas, trouve-moi quelque chose. Tiens, tu vends de l'eau. OK, eau plus gros et water plus petit. Primauté avec de la langue française. Mais à Montréal, c'est plus ou moins. Et imagine-toi donc, après ça, on va s'arrêter là-dessus. Parce que je peux partir, parce que le francophone. Et moi, je suis unilingue francophone. C'est-à-dire? Je ne parle que le français. Mais tu comprends très bien l'anglais. Pas du tout. On appelle ça au Québec... comment on les appelle? Attends un petit peu, je vais perdre le fil. On les appelle et... Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind.

recto verso. Vous êtes belle, vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui portait le mieux ma couleur. Recto verso. Vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui allait le mieux à mon cœur. Je suis pris dans vos mousselines, je me vautre, je me débat. C'est un inutile combat, puisque vous êtes la plus fine que toutes les mouches d'en bas. Recto verso, vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui portait le mieux ma couleur. Recto verso, vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui allait le mieux à mon cœur. Prisonnier de la chevelure où j'aime perdre mes aveux. Quand vous fermez vos jolis yeux, vous êtes juste à la pointure de tous mes combats amoureux. Recto verso, vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui portait le mieux, ma couleur. Recto verso, vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui allait le mieux à mon cœur. Prisonnière de mes voyages au milieu de tous mes transports, quand je vous mène vers le port accroché à mon bastingage, vous ne perdez jamais le nord. Non, non, non, recto verso, vous êtes belle, vierge ou verso. Vous êtes celle qui portait le mieux ma couleur. Recto verso, vous êtes belle, vierge ou verso. Oui, monsieur, pardonnez-moi, j'avais un manque de gorgoton dans la gourloute. Comme le mentionnait Jim Morrison, hey, Errance Rinaldi, il m'a dit ça, lui, dans ses soirées intimes avec son groupe, les sorts dehors, les doors, hein, des doors, les fenêtres. Comme le mentionnait Jim Morrison, non, je me le traduis moi-même parce que je suis pas très, très anglo-saxon. Errance canadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est Jim qui disait ça. Jim. Il aimait ça, le Jim. "3160 nuits où il a pas dormi, oh monsieur. Ça, ça use son homme. 3500 nuits. Ça sent presque la mort. Jim Morrison était là, seul, devant son record. L'atelier d'improvisation. Oui, monsieur, cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot, le verbe ou le nom cliff. Cliff? Oui, cliff. Comment t'appelles ça? C-L-I-2-F. C-L-I-D-U-X-F-F-F. Non, non, non. 2-F. C-L-I-F-F. Cliff. Oh oui. Écoute bien, moi, il m'a... T'as raconté un peu ce qui s'est passé. Même beaucoup ce qui s'est passé. On m'a demandé de faire une... Comment t'appelles ça? Dans un caméo dans un western avec Cliff Moshfield-Cliff, grand comédien des années 60-70, Cliff Moshfield-Cliff, qui, lui, a fait sur une plage voilée, le sable m'a dévoilé, ou entre les vagues et l'océan, ou le sel pique, mon porc épique. Des grands sujets d'actualité états-uniens à l'époque, dans les années 50-60. Et moi, j'étais figurant, donc je me figurais un grand comédien à venir, comme Humphrey Bogart ou Evan Johannes. Et Evan... Ah, c'est un chanteur, OK. Il y a le grand Evan Joannès. Et donc, je n'avais absolument rien à dire parce que j'étais caméo, menthol, extra doux. Et je ne faisais que passer dans le bar. J'ouvrais la porte. J'avais 2 ans et demi. Et j'allais chercher mon papa qui était endormi sur la table devant un jeu de cartes avec 3 gros gaillards qui voulaient le flinguer. Et moi, comme j'étais un petit môme, hein, le nez au vent, la tire au bec, hein? L'avion dans le tir au bec, ah oui, non. Et donc, je passais même pas dans les hauts vents. Vous savez, quand ça pshou, les quoi, c'est des hauts vents, non, c'est des claquettes. Je passais même pas au-dessus des claquettes. Donc, seule ma couette touchait aux claquettes. Mais ça faisait même pas bouger la porte. Les portes coulissantes ne coulissaient pas. Donc, je suis entré comme un bébé non éduqué. Et je disais, où il est, mon papa, où il est? Et je faisais le rôle de Cliff. Non, on m'a dit plus tard, ben, tu dois pas dire où il est, mon papa. Je dis, où il est, ton papa, où il est, mon papa? Oui, j'avais 2 ans et demi. Ils m'ont doublé. Ils ont doublé ma voix. Donc, on voyait ma bouche. Hein? Voyez-vous que... Non, entendez-vous que... Bon. Et puis là, plus tard, ben là, les gens se sont dit, ben voyez, c'est un grand comédien. On dirait une voix d'adulte dans un corps d'enfant. Normalement, on cherche l'inverse, hein? Shirley Temple, c'est une voix, un corps d'enfant dans une voix d'adulte. Ah, mais moi aussi, d'ailleurs, là, je viens de penser à ça. Hé, hey, ma scripteuse, comment ça tu me fais dire des affaires qui n'ont pas de bon sens, là? Pour une seule fois, mon émission, j'ai dit des choses incohérentes. Pour une seule fois. Donc, je vais m'expliquer et m'excuser auprès de mes auditeurs, auditrices. Mes fans, mes femmes, mes fanatiques. En fait, ma scripteuse était peut-être à l'époque un peu dissonante de son propos, de son intellect. Cherchait-elle peut-être la gloire? Moi, le Cliff, le mini-Cliff de 2 ans et demi, le bambin bibin, hein? Le bambin bibin. Le bambin bibin, le sol. Ouais, en fait, c'est la couette qui bibait le sol. Ben, en fait, non, pas le sol, mais la porte. Oui, c'est comme ça, nous autres. Et en bas de 2 pieds et demi, on rat. On rat la porte, on rat tout. Mais on n'est pas, raton laveur, non, pas encore. On se prépare à devenir. Parce qu'avec les jours qu'on dort pas, on devient des vedettes. Hein? On signe des autographes, on dort pas. Donc, on a la noirceur des yeux qui nous grand, qui devient de plus en plus grand. Puis là, à un moment donné, « Oh, regarde, c'est le raton laveur! » Non, c'est pas le raton laveur, c'est le comédien enfant qui ne dort plus et qui signe des autographes et qui rentre de l'argent dans le coffre de ses parents. C'est un exploité! C'est épouvantable, les exploités. Les enfants exploités. C'est pour ça que, lorsqu'on fait des films, il y a, bien sûr, une façon de faire pour les adultes et une façon de faire pour les enfants. Dans les années 60-70, c'était pas de même. Imaginez-vous dans les années 50. Hey! J'ai quand même eu mon heure de gloire à sonner. Aujourd'hui, ben écoutez, je ne suis que le Cliff de moi-même. Try at a happy life. Québécois pur laine. Les Québécois pur laine, c'est des gens... À l'époque, c'était plus vrai. C'est des gens qui ne vivent qu'au Québec et qui restent au Québec et qui font la promotion du Québec, mais sans sortir à l'extérieur. Okay? Ça, c'est un peu moins vrai dans mon cas. Moi, je fréquente uniquement la francophonie. Je vais aller en Belgique, en Suisse, mais tu ne me verras jamais à New York parce que je ne peux pas parler français. Je vais dans des pays où je peux être compris. Là, j'habite à l'auberge de jeunesse. Dans ma chambre, je ne parle pas puisqu'on ne parle pas français. Ils viennent à Paris, OK? Je vais dans un pays pour être compris, OK? Alors, lorsque j'irai dans un autre pays, si je vais à New York, là, OK, si je vais à New York, je dois avoir... je dois avoir un minimum de communication avec la personne qui vit dans son pays, OK? Alors, s'il y a des gens qui viennent à Paris, j'ai absolument rien contre, mais... Alors, j'ai dit oui, mais il faut que la personne ait un minimum d'entretien avec les gens. Tu ne parles pas espagnol non plus? Ah non, non, non. Parce qu'à New York, c'est bien l'espagnol. Oui, mais voilà, c'est ça. Et dans l'auberge où j'habite, j'ai pris à un moment donné un Marseillais, un Asiatique Marseillais, mais qui parlait français. Moi, je pensais que c'était un anglophone, donc je ne parlais pas. Puis là, j'ai parlé au téléphone à Guy Benos, OK, et pour fixer quelque chose. Et là, il dit « Ah, t'es francophone? » Il dit « Tu connais Guy Benos? » Ah, je pensais que t'étais anglais parce que c'était un Asiatique. Ben oui, il dit « J'habite à Marseille. » Puis il n'y a jamais, OK, sa famille est née à Marseille aussi. Et c'est un Asiatique. C'est fou, hein? Alors, moi, je n'irai jamais dans un pays où je ne peux pas être compris. Et en même temps, je demande ça... Ben, faire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à cirer. Mais je demande ça aussi aux touristes. Si tu vas dans un pays, apprends au moins un minimum. Bonjour, ça va bien. Au moins, dire bonjour, ça va bien. Tu sais, pas rester. Tu vas dire, je suis arrêté avec ma langue. Oui, mais au moins, je reste dans des pays francophones où je m'arrête aussi. Mais si tu vas dans un pays, il faut que tu puisses communiquer. Et à l'école, comment ça se passe au Québec? Ah, c'est. Tu peux pas aller dans une école anglaise. D'accord. Même dans le privé. Donc, ils soutiennent beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ils sont pas laxistes là-dessus. Ben, on est assez fasciste à ce niveau-là. Mais en même temps, il faut l'être si on veut préserver une minorité. Mais encore là, c'est pas si... Tu sais, on dit, ouais, mais la langue française s'évanouit. Non, non, non, non, non. Hey, à l'ONU, il y a trois langues officielles. Hein? Français, anglais, espagnol. Ouais. Le jour où l'ONU va dire que la langue française n'est pas dans les trois segments... primaire, ben là, on verra. Mais là, pour le moment, français, anglais, espagnol. Donc, moi, j'ai aucun problème à parler français. Je me sens pas gêné à parler français et surtout à utiliser des québécismes, hein, parce que ça enrichit notre langage, des québécismes. Francis Cabrel, au début, dans les années 80, lorsqu'il a sorti son premier album, il disait, qu'en plus, c'est un amoureux du Québec, il y a une maison à Charlevoix, bon, tout ça. Et il dit, vous avez quand même, tu sais, tire-toi une chaise. Pour un Français, tire-toi une chaise, ça ne dit rien. T'sais, prends-toi une chaise, puis assieds-toi, tire-toi une chaise. Prends-toi, tire-toi une bûche, t'sais, tire-toi une bûche, assieds-toi avec moi, prends une chaise, assieds-toi avec moi. OK? Il y a plein de termes comme ça, mais j'essaie, moi, d'avoir français correct pour être compris, pour pas... Mais encore là, aliment, là, c'est avant, je disais aliment. Bonjour. Aliment, et mon Dieu, il vient du Nord. le pire, c'est les Acadiens. Enfin, c'est là où... Ah, c'est merveilleux, quelle belle langue. Ouais. Quelle belle langue, ouais. Eux aussi sont... veulent être souverains. On essaie d'étouffer tout le monde. Hein? L'Audien indien, on les a éloignés. On veut plus rien. On envoie des chèques à ces gens-là. C'est rendu des alcooliques, beaucoup d'alcooliques, beaucoup de personnes qui cherchent. Puis, en fait, ce qu'on veut, c'est du territoire. Hein? Du territoire. Et comme on sait que ce qui est facilement maniable, c'est l'argent. Hein? C'est, bon, je vais donner de l'argent, mais tire-toi. Va-t'en. Ou on va te placer plus loin. On va te... Oui, oui, oui. Tu vas avoir des maisons. On va te construire des maisons. Puis, mais en même temps, dis rien, parle pas. Le gouvernement fédéral va t'en donner de l'argent, mais parle pas. On t'engraisse, là. Puis, on va te donner de l'alcool. On va te donner des cigarettes. Fume, bois. Puis... Donc, c'est ça. Ils essaient tranquillement de répondre. Hey, imagine-toi que ces gens-là ont accès à l'université gratuitement. OK? Parce qu'on veut, et c'est même pas 2% de ces gens-là qui finissent avec un bac ou une maîtrise pour être des élites. Pourquoi? Parce qu'on les motive pas, on les... C'est triste. Ouais, c'est très triste. Ben, merci d'être venu à mon émission. Merci à toi. Rappelle-toi, Inès, si t'es le frère, c'est au Halloween. merci à toi. Puis à la revoyure, hein. J'espère, tu vas me motiver là, tu vas me motiver. Je vais aller voir sur internet comment faire pour rencontrer et retourner faire les clubs et les scènes au Québec. Écoute, c'est tellement en plus intéressant de côtoyer la francophonie. Tu sais, c'est un grand monde, la francophonie. Hein. Ça ne s'arrête pas à Paris, ça reste ça. Mais, ah oui. Mais ça va partout. Ça va partout. Ouais, ouais. Oui, ça. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'un Québécois à Paris est toujours bien apprécié, souvent bien apprécié. On nous aime beaucoup. Et comme là tout à l'heure, je suis allé acheter, chez nous on appelle ça un sous-marin. Vous appelez ça un sandwich. Ouais. Et nous c'est un sous-marin, c'est un pain, ouais. une baguette avec des viandes à l'intérieur. Ok. Alors, pourquoi tu ris? Parce qu'un sous-marin, c'est ça aussi, c'est une sorte de truc oublon avec de la viande à l'intérieur. C'est ça. Un sandwich pour nous, c'est du pain tranché avec de la viande à l'intérieur. Donc, c'est deux pains. Parce qu'à l'origine, aux États-Unis, sandwich était un homme qui existait. Monsieur Sandwich existait comme Monsieur Poubelle existait. Monsieur Sandwich, là, c'est un type qui revendiquait des droits, OK, et qui se plaçait des écriteaux à droite et à gauche. Ouais. OK? Donc, un homme sandwich, OK, à droite et à gauche. Et pour pouvoir manger rapidement, il se plaçait de la viande entre deux tranches de pain, comme lui l'était. Et Monsieur Sandwich a inventé le sandwich. Et vous appelez ça un sous-marin? Oui, un sous-marin, c'est autre chose. C'est la baguette. La baguette, ouais. Mais un sandwich, c'est autre chose. C'est un pain tranché. OK? Un pain tranché. Ouais. Ça peut être aussi bien du pain de mie, ça peut être. Oui, pain de neuf céréales, toutes ces conneries. Ou les burgers, ou même. Qu'est-ce qu'un burger? Parce qu'un burger, c'est aussi non, du pain. Non, mais c'est rond, c'est rond. Il faut que ce soit un pain. Un square, un carré. Ou... Ouais, nous autres, on appelle ça un pain fesse. Un pain de fesse, OK? Un pain parce que ça fait ça le même. OK? Un pain, ça fait des fesses. Comme ça, et tranché. Et avec du beurre, du salami, fromage. Ça, c'est un sandwich. Mais un sous-marin, c'est la baguette avec la même chose, mais avec la baguette. OK? Alors, je suis allé chercher un sous-marin, un sandwich. Et là, je suis revenu après pour prendre une meringue parce que c'est les meilleures meringues au monde. Ça ah ouais. Le grenier à pain. Oui. Okay. Ah, c'est super beau. Oui. J'en ai un à côté de chez moi, c'est bon, génial. Alors, OK, c'est une succursale. Oui, ils en ont 3 ou 4 à peine. Ah, je pensais que c'était unique aux abeilles. Non, il y en a 3-4, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3-4. Et vraiment, là, c'est merveilleux. Alors, je veux les meringues sont bonnes? C'est dans la meringue. Les meilleures au monde. OK. Ah, ouais. Oui. Ben, si tu veux, dans le monde francophone. Et là, je vais chercher mon sandwich. Et plus tard... Ils sont bons, d'ailleurs, les sandwichs. Oui, 20 minutes après, je repasse et je demande une meringue. Puis genre, je vais prendre une boisson gazeuse, OK? C'est ce que je veux dire, une boisson gazeuse? Oui, un soda. Oui, c'est ça, exactement. Et là, je demande un coca. Nous, on dit un coke. Mais là, on ne peut pas dire un coke ici, donc on sert un coca. Alors là, je demande un coca. Et là, la dame, elle dit, ah, vous êtes venu acheter... Ah, vous êtes du Québec, oui, oui. Ah, mais je vais vous le faire au prix du trio. Mais eux, c'est pas un trio, c'est... quand. Le menu. Non, c'est un autre terme. L'ensemble. Formule. La formule, oui. Je vais vous faire au prix de la formule. OK, ça m'a coûté 1 €. Une boisson gazeuse et ma meringue. Au lieu de payer 1,85 la meringue et 1,50, elle m'a fait ça. C'est merveilleux, merci. Là, j'avais toute la monnaie, mais j'avais pas préparé la matinée. Ah, ben là, j'ai dit, ah, ça, c'est l'émotion. Elle a mis, j'ai mis ça dans la petite boîte. Et voilà. Oui, ils ont la boîte, ouais, ils ont la boîte et tout, ouais. Et c'est la première fois que je vois ça. Mais moi aussi, il y en a très peu en France. C'est bien. Il y en avait en Angleterre, beaucoup en Angleterre. Pour l'hygiène, c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est juste pour l'hygiène, sans doute. Peut-être, oui. Et pour pas compter. Mais vraiment, là, le service, c'est... Mais moi, j'adore. À un moment donné, je suis allé dans un endroit où en fait, le magasin faisait juste du surgelé. Et là, moi, je voulais voir comment c'était fait, là, parce que c'était nouveau. Il y a, Picard, en 89, c'est quoi? En 89, c'était un magasin, il faisait uniquement du surgelé, de la lasagne surgelée, pizza surgelée, tout était surgelé. Et là, je rentre, je dis, hey, c'est bien ça. Là, l'homme dit, ah, vous n'avez pas ça au Canada? Ah, je ne sais pas, moi, au Canada, moi, j'habite au Québec. Ah, vous n'avez pas ça au Québec? Non. Ah, ben venez, je vais vous faire visiter. Alors, ça, c'est les viandes congelées, surgelées. Hein. Là, je dis, ah, c'est. Là, ben, c'est bien, c'est très bien. Je reste à peu près 10-15 minutes. Ben, hey, je vous donne des Esquimaux. Choisissez la boîte que vous voulez. Je suis parti avec, gratuitement, 4 Esquimaux. parce que je connais pour elle. L'autre jour, il y a quelques années, j'étais devant un magasin de pâtisserie, et là, je regardais, là, je comptais, là, je vois un bon gâteau, là, puis ouais, puis elle a dit, non, prenez-en un, je vous le donne, parce que je parlais, comme ça, oh, c'est bien, hein, oh, ça a l'air bon. Elle dit, oh, vous êtes Québécois, je dis, oui, hein. Elle dit, prenez-en un, je vous en offre un. Ça arrive souvent, ben, souvent, ça arrive, quelques fois que... Et je trouve ça touchant. Ouais. Ah ben merci. Je crois que les Français, les Parisiens aiment aussi les Québécois parce qu'ils se disent, nous on est une ville où les rapports sont assez durs, les gens sont souvent de mauvaise humeur. Ils se disent, putain, ils sont comme nous, ils parlent le français, mais eux ils sont plus sympas dans des grandes villes, alors que nous on est Français, putain, ils ont fait la gueule. Mais c'est de moins en moins vrai, c'est la gueule du Parisien. Hein? De moins en moins vrai. Ouais, en 89, c'était très vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, ils sont plus souriants. Ouais. Je trouve, on dirait qu'ils sont plus relax. Et pourtant, je les comprends de faire la gueule, hein, avec ce qui se passe politiquement parlant. Là. T'as raison. Toi, je retourne vite aux toilettes. OK. Thank you.